3. Du testament de Lévi, concernant l'arrogance du sacerdoce. Transcription des paroles de Lévi, des choses qu'il appointa à ses fils conformément à tout ce qu'ils doivent faire et les choses qui leur arriveront jusqu'au jour du jugement. Il les appela à lui quand il lui fut montré qu'il devait mourir, étant encore en bonne santé. Quand ils furent réunis ensemble, il leur dit, « Moi Lévi, je fus conçu et naquis à Aran, je partis ensuite avec mon père à Shechem. J'étais jeune de 20 ans environ quand Siméon et moi cherchions à venger notre sœur Dina contre Amor. Nous nourrissions nos troupeaux à Abel-Mol lorsqu'un esprit de discernement vint sur moi du Seigneur et je vis tous les hommes souiller leur voix. L'injustice se construisit des murs et sur les tours la malfaisance assise. Je me lamentai pour la race des hommes et priai le Seigneur d'être sauvé. Un sommeil tomba sur moi, je me tenais sur une haute montagne, la montagne Aspi en Abel-Mol, et voici que les cieux s'ouvrirent et un ange de Dieu me dit, entre Lévi. J'entrai du premier au deuxième ciel, et je vis la loi suspendue entre l'un et l'autre. Je vis un troisième ciel beaucoup plus lumineux que ces deux-là, car en lui était une hauteur sans limite. Et je demandai à l'ange, « Pourquoi est-ce ainsi ? Ne t'émerveille pas de cela, me dit l'ange, car tu verras 4 autres cieux sans comparaison, plus lumineux qu'eux, quand tu seras soulevé de ce côté-ci et que tu te tiendras près du Seigneur, car tu seras son ministre pour révéler ses secrets aux hommes et annoncer celui qui rachètera Israël. » Le Seigneur se manifestera d'entre les hommes par toi et par Juda pour sauver chaque race humaine. Ta vie sera de la portion du Seigneur, il sera ton champ et vignoble, fruits, or et argent. Écoute maintenant en ce qui concerne les cieux qui t'ont été montrés, le plus bas est sombre et voit tous les actes injustes des humains. Au deuxième sont tous les esprits de vengeance et rétribution du Seigneur contre les sans-lois, feu, neige, et glace, préparés à l'ordre du jour du juste jugement de Dieu. Au troisième sont les chefs des armées, qui font vengeance sur les esprits d'erreur de Béliar à l'ordre du jour du jugement. Et ceux du quatrième et au-dessus sont saints. Au plus haut de tous, la grande gloire habite dans le Saint des Saints au-delà de toutes ses saintetés. En lui sont les anges de la présence du Seigneur, pour servir et faire des apaisements auprès du Seigneur pour tous les péchés d'ignorance des justes, raisonnable parfum d'odeur douce et offrande sans s'en présenter devant le Seigneur. Ils sont aussi les messagers de l'entête des jours et louanges au Seigneur. En lui sont les anges qui portent les réponses aux anges de la présence du Seigneur. Dans le ciel suivant sont les trônes et les gouvernements qui adressent à Dieu de continuelles louanges. Quand le Seigneur regarde vers nous, nous en sommes tous traumatisés. Oui, les cieux, la terre et les abysses sont ébranlés en présence de sa majesté lorsque les fils des hommes pêchent. Ils provoquent le Très-Haut et n'ont aucune perception de ces choses. Apprenez ce que le jugement du Seigneur produit sur les fils des hommes mais, les rochers se fendent, le soleil se refroidit, les eaux s'assèchent, et le feu se rétracte, et lorsque toute la création est dérangée et que les esprits invisibles se dissipent suite aux incursions du Très-Haut, le Séol en emporte les dépouilles. Les humains incrédules, qui persistent à faire du mal, seront jugés et châtiés à ce compte. Le Très-Haut a entendu ta prière de te séparer du mal et devenir un fils, pour lui au service du ministère, service, de sa présence. Tu allumeras la lumière de la connaissance en Jacob, tu seras comme le soleil, pour toute la semence d'Israël, en bénédiction pour toi et ta semence, jusqu'à ce que le Seigneur visite tous les peuples dans ses grâces tendres à jamais. À cet effet, le conseil, sagesse et le discernement, intelligence, t'ont été accordés pour que tu instruises tes fils, car qui le bénit sera béni, qui le maudit périra. L'ange m'ouvrit les portes du ciel. Je vis le temple sacré et le trône de gloire, d'où Très-Haut me dit. Lévi, je t'ai accordé les bénédictions du sacerdoce, jusqu'à ce que je vienne séjourner au milieu d'Israël. L'ange qui me ramena à la terre me donna un bouclier avec une épée. Il me dit. Fais vengeance sur Shechem à cause de ta sœur Dina. Le Seigneur m'a envoyé avec toi. C'était maintenant le moment de détruire les fils de Hamor d'après ce qui est écrit aux tablettes célestes. Je lui dis, je te prie de me dire ton nom Seigneur, pour t'appeler au temps des épreuves. Je suis l'ange qui intervient pour que la race d'Israël ne soit pas entièrement anéantie par l'attaque de tout esprit, dit-il. Après ces choses, je me réveillai et bénis le Très-Haut, et l'ange qui intervient pour tous les justes de la race, racine, d'Israël. C'est en allant chez mon père que je trouvai un bouclier de laiton à la montagne nommée Aspi, près de Gébal, du côté droit, sud, d'Abila, mais je gardais ces paroles dans mon cœur. Je conseillais à mon père et à Réuben mon frère de proposer au fils de Hamor de se faire circoncire, mais parce que j'étais zélé à cause de l'abomination qu'ils avaient faite à ma sœur, je tuai Shechem le premier et Siméon tua Hamor, puis nos frères vinrent et frappèrent et hentèrent la ville au tranchant de l'épée. Notre père se lamenta, entendant qu'ils avaient reçu la circoncision et ensuite la mort. Il fut en colère et dispensa ses bénédictions différemment pour nous, car nous avions péché en agissant contre sa volonté. Ce jour-là il eut du dégoût, mais je connaissais que Dieu avait décrété du mal sur Shechem, car ils avaient cherché à faire de notre sœur Dina ce qu'ils auraient fait à Sarah si le Seigneur ne les en avait empêchés. Ils avaient persécuté notre père Abraham, parce qu'il était étranger. Ils avaient ravagé ses troupeaux qui s'étaient multipliés et maltraitèrent honteusement Géblé, son serviteur né dans sa maison. C'est ainsi qu'ils agissaient avec tous les étrangers, prenant de force leurs femmes, et les hommes partaient eux-mêmes en exil. Mais la colère de Dieu est tombée sur eux soudainement, jusqu'au dernier. Et je dis à mon père, n'aie pas de colère en toi, car le Seigneur réduira les Sanaanites à néant pour leur terre soit à toi et à ta semence après toi. Qu'à partir de maintenant Shechem s'appelle ville de ceux qui sont fous, car nous nous sommes moqués d'eux comme on se mégaoctait que d'un fou, parce qu'ils ont eu la folie de souiller notre sœur en Israël. Nous sommes partis en reprenant notre sœur et sommes allés à Bethel. Après y avoir passé 7 jours, je vis de nouveau une chose comme la précédente. Je vis cet homme en vêtements blancs qui me dit « Lève-toi, mets la robe du sacerdoce, la couronne de justice, le bustier de compréhension, le vêtement de vérité, le bandeau de la foi, la tiare du miracle et les fautes de la prophétie. » Chacun d'eux apporta chaque chose et les mirent sur moi en disant « Deviens un sacrificateur du Seigneur, toi et ta semence, à compter d'aujourd'hui et à jamais. » Le premier me oint d'huile sainte et me donna le bâton du jugement. Le deuxième me lava d'eau pure et me nourrit de pain et de vin, les plus saintes choses, et m'attribua une robe sainte et glorieuse. Le troisième me vêtit d'une veste d'éphod en lin. Le quatrième met autour de moi une ceinture comme violet. Le cinquième me donna une généreuse branche d'olive. Le sixième plaça sur ma tête une couronne. Le septième plaça sur ma tête un bandeau de sacrificateur et remplit mes mains d'encens pour servir comme sacrificateur du Seigneur. Et ils me dirent, la semence de Lévi sera séparée en trois services, comme signe de la gloire du Seigneur à venir. Le premier sera celui de la foi, et aucun lot ne sera plus grand que le sien. Le deuxième sera du sacerdoce. Le troisième sera appelé sous un nouveau nom lorsqu'un roi se lèvera dans Juda et établira un nouveau sacerdoce pour tous les peuples. Sa présence barre verticale interrompue sera comme celle d'un prophète du Très-Haut, de la semence de notre père Abraham. Toutes choses désirables en Israël seront pour toi et ta semence. Tu mangeras de toutes choses agréables à regarder à la table du Seigneur en portions pour ta semence. Certains d'entre eux seront chefs sacrificateurs, juges et scribes, et par leur bouche la sainteté du lieu sera préservée. Quand je me réveillais, je savais que cette chose était comme la précédente, et je gardais aussi cela dans mon cœur, sans rien dire à personne sur terre. Deux jours après Juda et moi partîmes avec notre père Jacob chez Isaac, le père de mon père. Mon grand-père me bénit conformément à toutes les paroles des visions que j'avais vues. Il ne vint pas avec nous à Bethel. Arrivé à Bethel, mon père Jacob eut une vision, que je serais pour eux le sacrificateur de Dieu, et il se leva tôt en matinée et paya à travers moi les dîmes de tout au Seigneur. Puis nous sommes partis habiter à Hébron. Isaac m'appelait constamment pour me faire mémoriser les lois du Seigneur, comme l'ange de Dieu me l'avait montré. Il m'apprit les lois du sacerdoce, sacrifice, offrande par le feu, premier fruit, offrande de bonne volonté et offrande de remerciement. Il m'instruit chaque jour et s'occupait de moi devant le Seigneur, et me dit, prends garde que l'esprit de fornication continue et que ta semence pollue les choses saintes. Prends-toi dans ta jeunesse une femme non infirme, ni souillée, ni de la race des nations étrangères. Baigne-toi avant d'entrer dans le lieu sacré. Lave-toi avant et après avoir présenté le sacrifice. Présente au Seigneur le parfum des 12 armes rayant toujours du feuillage. Présente au Seigneur un sacrifice de toute bête pure et oiseau pur, comme Abraham m'a fait. Présente tous premiers fruits et tous prémices de vin en offrande au Seigneur Dieu. Mets du sel à chaque sacrifice. Appliquez tout ce que je vous commande, mes enfants, toutes les choses que j'ai entendues de mes pères et que je vous déclare. Voici, je suis pur de toutes vos infidélités et transgressions que vous commettrez à la fin des âges contre le Messie du monde en agissant avec infidélité pour égarer Israël et soulever à son encontre de grands malheurs du Seigneur. Car avec Israël, ensemble vous transigerez sans égard à la loi jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus endurer Jérusalem à cause de votre malfaisance. Le voile du temple se déchirera quand votre honte sera mise à découvert et vous serez dispersés et captifs parmi les nations, vous serez refoulés aux pieds avec reproche et malédiction. La maison que le Seigneur choisira sera appelée ville de paix, comme il est écrit dans le livre du juste Hénoc. Quand j'eus 28 ans, je pris une femme du nom de Melcha. Elle conçut et porta un fils, que je nommai Gershom, parce que nous étions exilés de notre terre, car Gershom signifie exil, mais je vis à son sujet qu'il ne serait pas au premier rang. À mes 35 ans, Kéan naquit vers l'est, et je vis en vision qu'il se tenait en haut, au milieu de toute l'assemblée. Aussi je le nommai Kéa pour signifier le commencement d'instruction et de majesté. Dans la 40e année de ma vie, elle me porta Merari en 3e, et comme elle le porta avec difficulté, elle le nomma Merari, ce qui signifie mon amertume, et aussi parce qu'il allait mourir. Yochebed naquit à mes 64 ans, alors que j'étais reconnu au milieu de mes frères en Égypte. Gershom prit femme et elle lui porta l'omni et se met. Les fils de Kéa sont Amram, Istar, Hébron et Uziel. Les fils de Merari sont Mali et Mouchi. À mes 94 ans, Amram prit ma fille Yochebed pour femme. Lui et ma fille sont nés le même jour. J'avais 8 ans quand je suis entré au pays de Sanaan, et 18 ans quand je tuai Shechem. À 19 ans je devins un sacrificateur. À 28 ans je pris femme. À 40 ans j'entrai en Égypte. Et voici vous êtes mes enfants de la troisième génération. Joseph mourut à mes 118 ans. Et maintenant mes enfants, je vous commande de craindre notre Seigneur de tout votre cœur, et de marcher dans toutes ses lois avec simplicité. Apprenez à vos enfants les lettres, pour qu'ils aient toute leur vie de la compréhension en lisant sans cesse la loi de Dieu. Car celui qui connaît la loi de Dieu sera honoré et ne sera pas un étranger, n'importe où qu'il aille. Oui, il obtiendra plus d'amis que ses parents et beaucoup d'hommes voudront entendre la loi de sa bouche et le servir. Agissez bien sur terre, mes enfants, afin que vous ayez un trésor au ciel. Semez de bonnes choses en vos âmes pour les retrouver dans votre vie. Mais si vous semez le mal, vous en récolterez l'agitation de la douleur. Obtenez la sagesse avec précaution par crainte de Dieu et méditez qu'il y aura une conduite en captivité, destruction des villes et des terres, plus d'or, ni d'argent, ni possession, mais que rien ne peut prendre la sagesse du sage. Sauvez l'aveugle des impuretés et le sauvage des péchés, car celui qui se garde de ces mauvaises choses, la sagesse sera pour lui une gloire, parmi ses ennemis même et une patrie dans un pays étranger, et il se trouvera un ami au milieu d'ennemis. L'homme qui enseigne ces choses et les fait, sera mis sur un trône avec les rois, comme le fut mon frère Joseph. Mes enfants, j'ai appris dans les Écritures de Hénoc, que vous vous tournerez contre le Seigneur à la fin des âges, vous étendrez vos mains avec malveillance, contre lui, et vous serez méprisés de tous les peuples. Notre Père Israël est pur des péchés des chefs sacrificateurs, qui mettront leurs mains sur le Messie du monde. Soyez purs comme le ciel au-dessus la terre, vous mes enfants qui êtes les lumières d'Israël, comme le soleil et la lune. Mais que feront tous les idolâtres si vous êtes sombres de péché? Oui, les malédictions viendront sur notre race quand vous commencerez à enseigner vos règles contraires aux ordonnances de Dieu et qui détruiront la lumière donnée par la loi pour éclairer vous et tous les hommes. Vous volerez les offrandes du Seigneur. Vous volerez les parts de choix de sa portion et les mangerez avec dédain, avec des prostituées. Vous enseignerez les lois du Seigneur par convoitise. Vous souillerez les femmes mariées, vous profanerez les vierges de Jérusalem, et vous vous joindrez aux prostituées et adultères. Vous marierez les filles des idolâtres en les purifiant d'une purification illicite et votre union sera comme Sodome et Gomorre. Vous vous gonflerez à cause du sacerdoce, vous élevant vous-même contre les hommes et contre les lois de Dieu aussi. Vous aurez du mépris pour les choses sacrées en vous moquant et riant. Le temple de choix du Seigneur deviendra le dépotoir de vos impuretés. Vous serez captifs chez toutes les nations. Vous serez pour eux en abomination et recevrez le blâme de la honte éternelle par le juste jugement de Dieu. Tous ceux qui vous haïssent se réjouiront de votre destruction, et si vous ne receviez pas miséricorde par nos pères Abraham, Isaac et Jacob, aucun de notre semence ne serait laissé sur terre. J'ai appris dans le livre de Hénoc que vous dévirez et profanerez le sacerdoce pendant 70 semaines, en polluant les sacrifices, et annuler la loi, pour réduire à néant les paroles des prophètes par perversité. Vous persécuterez les hommes droits et haïrez les croyants. Les paroles de foi vous seront en horreur. Vous traiterez d'imposteur l'homme qui rétablira la loi par le pouvoir du Très-Haut. Vous vous hâterez de le tuer sans connaître sa dignité et verserez le sang innocent sur vos propres têtes. Vos lieux saints seront pollués jusqu'à terre et il n'y aura aucun lieu qui soit pur. Dispersés, vous serez en malédiction chez les peuples jusqu'à ce qu'ils vous visitent et vous reçoivent par pitié, par la foi et l'eau. Et parce que vous avez entendu concernant les 70 semaines, écoutez aussi concernant le sacerdoce, car chaque jubilé a un sacerdoce. Au premier jubilé, le premier roi du sacerdoce sera grand et parlera à Dieu comme à un père. Son sacerdoce sera parfait auprès du Seigneur et il sera relevé au jour de joie par le salut du monde. Au deuxième jubilé, celui qui est oint sera conçu dans la peine des bien-aimés. Son sacerdoce sera honoré et glorifié de tous. Le troisième sacrificateur sera saisi par la douleur. Le quatrième sera dans la douleur, car l'injustice s'assemblera extrêmement contre lui, et tout Israël haïra chacun son prochain. Le cinquième sera saisi par l'obscurité, le sixième et le septième également aussi. Il y aura tellement d'impureté au septième, que je suis incapable d'en parler devant les hommes, mais ils sauront qui fait ces chaussées, car ils seront pris en captivité, ils seront en proie, et leurs terres et leurs avoirs détruits. Dans la cinquième semaine, ils retourneront dans leur pays ravagé pour renouveler la maison du Seigneur. Dans la septième semaine viendront les sacrificateurs idolâtres, adultères, amants de l'argent, orgueilleux, sans loi, débauchés, abuseurs d'enfants et d'animaux. Après que leur punition vienne de la part du Seigneur, le sacerdoce cessera. Le Seigneur élèvera alors un nouveau sacrificateur à qui toutes les paroles du Seigneur seront révélées pour exécuter un juste jugement sur la terre pendant une multitude de jours. Son étoile s'élèvera comme celle d'un roi dans le ciel, pour éclairer comme le soleil de jour par la lumière de la connaissance. Il sera magnifié dans le monde jusqu'à son ascension. Il sera aussi éclairant que le soleil de la terre et chassera toute obscurité sous le ciel, et il y aura paix dans toute la terre. Les cieux jubileront en ces jours. La terre sera heureuse et les nuages se réjouiront. La connaissance du Seigneur se déversera sur la terre, comme l'eau des mers et les anges de la présence de la gloire du Seigneur, satisfaits en lui, car les cieux s'ouvriront et la voix du Père, comme celle d'Abraham à Isaac, viendra dans la sainteté du temple de gloire sur lui. La gloire du Très-Haut sera publiée par lui et l'Esprit Saint de compréhension restera sur lui, dans l'eau, car il donnera en vérité majesté au Seigneur auprès de ses fils à toujours et il n'y aura personne pour le succéder dans toutes les générations. Dans son sacerdoce, la connaissance des peuples grandira sur la terre et éclairera par la grâce du Seigneur. Dans son sacerdoce, le péché viendra à sa fin et les sans-lois cesseront de faire le mal, le juste se reposera en lui. Il ouvrira les portes du paradis, jardin, et retirera l'épée menaçant Adam. Il donnera assez aux saints à manger de l'arbre de vie et l'esprit de sainteté sera sur eux. Par lui Béliar sera lié, et il donnera à ses enfants le pouvoir de piétiner les mauvais esprits. Le Seigneur se réjouira en ses enfants, le Seigneur sera bienheureux, pour toujours en ses bien-aimés, alors Abraham, Isaac et Jacob jubileront et je serai content, et tous les saints se revêtiront de joie. Maintenant que vous avez tout entendu, mes enfants, choisissez pour vous la lumière de la loi du Seigneur ou l'obscurité des méfaits de Béliar. Nous marcherons devant le Seigneur en accord avec ses lois. Avons-nous répondu à notre Père? Le Seigneur est témoin, ses anges sont témoins, vous êtes témoins et je suis témoin de la parole de votre bouche. Dit notre Père. Nous sommes témoins. Lui avons-nous dit. Lévi cessa ainsi de donner charge à ses fils. Il étira ses pieds sur le lit et fut réuni à ses pères après avoir vécu 137 ans. Ils l'allongèrent dans un coffre et l'enterrèrent à Hébron avec Abraham, Isaac et Jacob.